Un matin du mois de septembre 1879, le capitaine Villefort descendit de cheval sur la place du château, à Saint-Germain-en-Laye. Il jeta la bride à son ordonnance. « Conduis les chevaux à l'écurie et reviens me trouver ici. » Il désigna la terrasse d'un café qui faisait face à l'église. « Bien, mon capitaine. » Et tandis que le chasseur s'éloignait au grand trot, le capitaine alla s'attabler au café qu'il avait désigné. Puis il parut s'absorber dans l'observation des fidèles qui défilaient devant lui pour se rendre à l'église. C'était un dimanche. Les cloches sonnaient à pleine volée. Saint-Germain est une vraie ville de province, plantée à peu de kilomètres de Paris. Excepté à l'heure des trains, en temps ordinaire, les rues sont assez mornes. Mais ce jour-là, tout Saint-Germain bat le pavé. Une demi-heure après, l'ordonnance était de retour. « Promène-toi sur la place, lui dit l'officier. Tout à l'heure, j'aurai besoin de toi. » Le brosseur fit le salut militaire et se retira. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées qu'un groupe déboucha de la place et parut requérir toute l'attention du capitaine. Un vieillard à cheveux blancs donnait le bras à une dame âgée. Près d'eux marchait une jeune fille, simplement, quoique fort élégamment vêtue, et portant un livre d'heures. Ces trois personnages étaient suivis à quelques pas d'un vieux domestique. « Bonivard !» appela le capitaine. L'ordonnance accourut. « Tu vois ce vieux bonhomme qui suit ses maîtres ?»« Oui, mon capitaine. Tu vas l'accoster, lui demander s'il ne s'appelle pas François, et s'il n'est pas au service de monsieur de Sermaise. »« Bien, mon capitaine. » Il te répondra « Oui ». Alors tu lui diras que l'officier dont tu es l'ordonnance désirerait le voir à l'issue de la messe. S'il consent à se rendre à ton invitation, tu l'attendras et tu le conduiras chez moi rue Saint-Thomas numéro 2. Et s'il demande de la part de qui je viens ? Tu ne répondras rien, répliqua vivement le capitaine, ou plutôt tu lui diras simplement de la part d'un officier qui connaît ses maîtres, pas d'indiscrétion. Compris, mon capitaine. L'ordonnance cliqua de l'œil d'un air entendu et gravit rapidement les degrés de l'église. C'était un garçon précieux, que Bonivard, né sur les hauteurs de Belleville, il réalisait le type du gamin de Paris. Successivement sculpteur sur bois, figurant, puis artiste dans les petits théâtres de banlieue, le hasard de la circonstance avait fait de lui, à 21 ans, un chasseur à cheval. Amoureux de sa liberté, dédaigneux des honneurs, il avait préféré passer tranquillement son congé au service d'un officier célibataire, plutôt que de se plier aux exigences quotidiennes du métier militaire. Piètre soldat, mais excellent brosseur, très apprécié de son capitaine, dont il avait acquis la confiance entière. Sûr que la mission dont il l'avait chargé serait exactement remplie, l'officier rentra chez lui, très soucieux. Le capitaine Villefort avait 35 ans. Son abord, très dur, décourageait par une froideur invincible. La couleur foncée de ses cheveux, coupés ras, un peu grisonnant sur les tempes, ajoutait encore à l'austérité de sa mine. Il était depuis peu de temps remonté dans son appartement, quand Bonivard arriva ramenant le vieux domestique. Introduit aussitôt, François s'arrêta, rendu muet par l'émotion sur le seuil de la porte. « Ah, monsieur Pierre, » fit-il d'une voix étranglée, « j'avais comme un pressentiment. »« Mais oui, Pierre, » fit en souriant le capitaine, qui tendit en même temps la main au vieux serviteur. « Tu me reconnais donc encore, toi ?»« Si je vous reconnais, moi qui vous ai élevé ?»« Une éducation qui ne t'a guère réussi. »« Ah, pouvez-vous dire, monsieur Pierre ?» Vous avez bien quelques défauts, mais aussi de grandes qualités. De qualités, moi ? Fit le capitaine d'un air étonné. Je t'ai pourtant fait assez enrager, et même souffrir. François secoua la tête. Tout cela n'est rien, répliqua-t-il. Tu es un homme antique, mon vieux François. Alors, sincèrement, tu es content de me revoir ? Si je suis content, dès l'instant que ce n'est pas à la maison. J'y serais donc mal reçu ? Demanda le capitaine d'un ton plein d'amertume. Je n'ai pas dit cela, monsieur Pierre. Il eut un moment de silence que François rompit le premier. « Alors, vous n'êtes plus à Lunéville ?»« J'y étais encore il n'y a pas 8 jours, mais j'ai été changé. »« Maintenant, écoute François, donne-moi ta parole de ne pas dire à la maison que tu m'as rencontré. »« Oui, monsieur, à moins que votre oncle, monsieur de Sermaise, ne me le demande, car je lui dirai la vérité. »« Oh, mon oncle ne doit pas parler de moi bien souvent. » De nouveau François garda le silence. « Et maintenant, dit brusquement le capitaine, quelle est cette demoiselle que j'ai vue entrer avec vous à l'église tout à l'heure ? Comment se fait-il que vous ne me parliez pas d'abord de Madame Villefort, votre mère ? j'ai eu de ses nouvelles dernièrement, avant mon départ de Lunéville. C'est une longue histoire, monsieur Pierre. Je pensais que vous le saviez, puisque madame votre mère vous écrit quelquefois. 2 ou 3 fois par an, mais j'ignorais l'existence de cette demoiselle. Pour que madame ne vous ait rien dit, il faut qu'elle ait ses raisons. Et alors moi qui suis au service de madame... Et plus au mien, interrompit Villefort. Je ne parle pas non plus de mademoiselle, acheva François. Il y a donc quelque chose à reprendre, autrement tu ne te gênerais pas pour parler. Il n'y a rien à reprendre dans un secret. Ce qui serait à reprendre, ce serait de le trahir. Ainsi, mademoiselle, est un secret? Tu es discret, c'est bien. Je m'arrangerai autrement pour apprendre ce que je désire savoir. Au revoir, mon vieux François, sans rancune. Monsieur Pierre sait bien que je suis à sa disposition entière pour tout ce qu'il me sera possible de faire pour lui. J'y compte bien. Et ayant de nouveau serré la main du vieux serviteur, le capitaine Villefort le reconduisit jusqu'à la porte. Après cet entretien qui en somme ne lui apprenait rien, Pierre Villefort resta rêveur. Il songea à son passé, à cette jeunesse orageuse qui lui avait aliéné l'affection des siens, à l'exception peut-être de celle de l'homme qui l'avait fait le plus souffrir, après ses parents, le vieux François. Le capitaine Villefort avait perdu son père très jeune. Sa nature ombrageuse et rebelle avait refusé de se plier sous le joug, pourtant très doux de madame de Sermaise. Après des années de dissipation, il avait rompu avec éclat, et laissant plonger dans le deuil les deux êtres qu'il eût dû chérir, son oncle et sa mère, il s'était engagé. À la maison Sermaise, où il put vivre heureux, on avait retrouvé sans une plainte contre la muraille le portrait de l'ingrat, attendant pour lui faire reprendre sa place le retour de l'enfant prodigue. Par bonheur, la vie rude du régiment avait apaisé le tempérament fougueux de Pierre Villefort. Il était resté sombre, taciturne, se liant difficilement. Devenu officier, il n'avait jamais eu avec ses camarades que des relations polies, point d'intimité. À des reprises différentes, il s'était senti au cœur le désir de voir M. de Sermaise, d'embrasser sa mère. Son orgueil s'y était toujours révolté devant l'acte de soumission qu'il eût fallu faire. Et voilà que le jour où, vaincu enfin, complètement amendé, il revenait demander le pardon des injures passées. Il trouvait sa place prise au foyer de sa famille et par une étrangère. Car il n'en pouvait douter, cette jeune fille, que François appelait mademoiselle, sur le compte de laquelle il refusait de s'expliquer, ne pouvait être qu'une enfant d'adoption, chez qui les deux vieillards avaient concentré l'affection qui lui était due à lui, Villefort. Sans quoi, pourquoi ces réticences? Le capitaine se perdait en conjectures. Il se promit de savoir, par face et néface, qui était cette intruse. Mais pendant plusieurs jours, son esprit hésitant et orgueilleux ne s'arrêta à aucune résolution. Le dimanche suivant, le capitaine Villefort monta à cheval, et vers 11 heures, il se trouva devant l'église, au moment où les fidèles sortaient à pas lents de la grand-messe. Il put alors voir de face et fort distinctement sa mère, son oncle, la jeune personne qui les accompagnait, et derrière eux le vieux François, sans leur laisser au grand trot qu'il menait d'autre loisir que celui de s'écarter sur son passage. Il n'en fut pas de même de François. Les yeux des deux hommes se rencontrèrent, mais Pierre détourna la tête, et François baissa la sienne. Tout cela fut l'affaire d'une minute. Pierre Villefort avait vu la demoiselle. Elle lui parut avoir 18 ans et être d'agréable tournure. Plus elle lui parut jolie, plus il la détestait d'instinct. En jeune et habile commère qu'elle était, n'avait-elle pas su, par des manœuvres savantes, se faire un nid dans la maison, sa maison à lui, où il avait perdu droit de cité? Toutes les colères, tous les sentiments justes ou injustes qui avaient séparé Pierre des siens bouillonnaient à cette heure en lui. Et c'était sur l'usurpatrice que ces colères allaient tomber? Elle était pieuse en apparence, mais il ne manque pas d'hypocrite. Et l'hypocrisie était de mise avec des dévots comme M. de Sermaise et sa sœur. Donc le capitaine Villefort n'eut plus qu'une pensée, la vengeance. Il résolut à tout prix de faire l'autopsie morale de l'inconnu, afin de la démolir ensuite plus sûrement. Dans la course désordonnée à laquelle il se livra sur les collines des environs, en sortant des murs de Saint-Germain, il atteignit sans le savoir la Porte Jaune, qui est un des accès de la forêt de Marly. Quand il se fut engagé un peu avant dans ces routes étroites et montueuses, capitonnées d'herbes, de bruyères, et sur lesquelles des chênes altiers projettent l'ombre de leurs obliques rameaux, il attacha son cheval à l'angle du premier carrefour venu, et le dos appuyé contre les racines d'un tronc gigantesque, enfouis sous des gerbes de fougères de 6 pieds de haut, au milieu de la paix profonde du bois, il fit un retour sur lui-même et songea. Après tout, si c'était une parente éloignée, recueillie par devoir autant que par inclination, l'attentat commis au détriment de Pierre perdait de son importance. En somme, c'était lui qui, à 20 ans, avait fui pour s'engager le toit maternel. Et si le temps n'avait fait qu'aggraver la situation, l'inconnu n'en était pas le premier auteur. Si elle avait un droit, un prétexte quelconque de se trouver là, il restait à savoir dans quelle mesure et dans quelle vue elle en avait usé. Propriétaire foncier, établi à Saint-Germain depuis plus de 30 ans, M. de Sermès devait y avoir un notaire. Ce notaire devait savoir bien des choses. Et s'il était blessant pour un neveu, comme pour son oncle, que le neveu demanda des informations sur sa propre famille à un officier ministériel, il ne l'était pour personne qu'un tiers se présentât chez ce dernier, comme s'il songeait à épouser la pupille. On pouvait lui prêter cette qualité de monsieur de Sermaise. Seulement, Pierre Villefort ne savait à qui confier cette mission délicate. Il n'avait aucun ami dans son régiment. Quant à paraître lui-même, il n'y songeait pas, car il ne voulait pas se nommer, et moins encore user d'un faux nom. Il songea bien au fronton que le hasard lui avait fourni en la personne de son brosseur, mais il fallait alors lui faire une confidence devant laquelle l'orgueil légitime de Pierre se cabrait. Fallait-il attendre que la glace fût rompue entre lui et les officiers de son régiment pour choisir entre eux un alter ego qui ferait la commission? Mais cela pouvait durer, et la vengeance est impatiente, quoique moins impatiente que l'amour. « Allons, conclut Villefort après un temps de réflexion, je crois décidément qu'en fait d'amis, je ferais bien de m'en tenir à M. Bonivard. Mon drôle est intelligent. Pour un peu d'argent, il marchera, il parlera comme je voudrais. » Un matin, que le capitaine fumait sa pipe dans sa chambre, tandis que son ordonnance ajustait sur un fauteuil l'uniforme bien brossé et les armes bien astiquées de son chef. « Bonivard, dit Villefort, j'ai une mission à te confier. »« À votre service, mon capitaine. »« C'est délicat. » Je voudrais avoir des informations positives sur une jeune personne de cette ville, et je ne peux pas les prendre moi-même. Tu vas aller chez un notaire, et tu te présenteras comme pour prendre des renseignements sur une personne que tu désirerais épouser. La famille de Sermaine habite rue de Mante, au coin de la rue Trompette. Ce que je veux savoir, c'est le nom d'une demoiselle qui demeure dans cette maison, et qui ne doit avoir aucun lien de parenté avec la famille de Sermaise. Bref, tu feras attention à tout ce que le notaire te dira. Tu remarqueras, si tu le peux, ce qu'il évitera de te dire, et tu me rendras du tout un compte scrupuleux. Si je suis content de toi, tu auras un louis. Avez-vous souvent de ces commissions-là, mon capitaine ? Villefort ne répondit pas. Puis après un tour de chambre. À propos, il se peut que le notaire te parle d'une dame Villefort, parente de monsieur de Sermaise, et ma parente éloignée. Il n'y a pas à insister là-dessus. Compris, mon capitaine. « C'est très bien, et tâche de ne pas oublier ton rôle. »« Pas de danger, mon capitaine, je suis artiste, moi. »« Ah, si vous aviez pu me voir dans le roman d'un jeune homme pauvre de M. Octave Feuillet, aux Folies Belleville. » Le brosseur s'esquiva. Il se brossa les cheveux avec une raie au milieu du front, cira ses moustaches, et reparaissant devant la capitaine en pantalon de toile et en manches de chemise. « Et le costume de mon nouvel emploi, mon capitaine ?» Villefort tira de son porte-manteau un complet d'été et des bottines. « Il ne me manque plus maintenant que des gants et un stick, mon capitaine. Tu n'as pas tes gants d'ordonnance ? Jamais de la vie. J'aurais l'air d'un fantassin déguisé. Des gants de Suède, s'il vous plaît. » Villefort souscrivit à cette fantaisie en souriant et considéra un instant le chasseur à cheval transformé en Pékin aisé. « Le notaire de la famille de Sermaise doit être maître Ballaru, demeurant rue de Pontoise. Maintenant file et ne flâne pas trop en chemin. » « Je ne tiens pas à rencontrer le colonel dans ce costume. »« Je vais donc enfin les tenir tous, » pensa Villefort, y compris les ficelles avec lesquelles cette aventurière les fait tous mouvoir. Comme il se berçait de cette amère espérance, Bonivard reparut d'un air assez satisfait. « Réponse du notaire, mon capitaine. Comme dépositaire des intérêts de l'honorable monsieur de Sermaise, il ne m'appartient, monsieur, de vous répondre que ce que tout le monde peut savoir. » Monsieur de Sermaise vit dans son immeuble avec sa sœur veuve, et ils ont près d'eux une jeune orpheline alsacienne, Mademoiselle Schulschnack, recueillie d'abord par l'asile du Vésinet, puis adoptée par Monsieur de Sermaise, qui, moyennant une adoption régulière, conforme aux articles 344 et suivant du code de Napoléon, lui a conféré le droit de signer et de se faire appeler Geneviève de Sermaise. L'orpheline ainsi adoptée aura en se mariant, si elle se marie, ce qu'il plaira à son bienfaiteur de lui donner en dot, s'il juge à propos de lui donner quelque chose. Toutes ces personnes jouissent d'une considération exceptionnelle et méritée. Je suis votre très humble. C'est du lapalisme tout pur, pensa Villefort en secouant la cendre de sa pipe sur le bord de la cheminée. Maintenant, rends-moi mes effets, voici ton louis. Dès qu'il fut seul, il prit un code, qui était du nombre infiniment restreint des livres de sa bibliothèque, et il médita profondément sur le titre de l'adoption. Pierre était bien l'héritier de sa mère, qui était presque pauvre, mais il n'était pas l'héritier réservataire de son oncle, qui pouvait disposer de toute sa fortune, comme bon lui semblait. Au contraire, l'adoption de Geneviève par M. de Sermaise, conférant à la jeune fille le droit d'enfant légitime, si M. de Sermaise entendait attribuer à son neveu Pierre la quotité disponible, soit la moitié de son bien, Geneviève était héritière réservatrice et de plein droit de l'autre moitié. « Et voilà, se dit le capitaine, ce que j'ai gagné à m'engager par un coup de tête. J'ai perdu 150 000 francs. On m'a fabriqué de toutes pièces une pseudo-cousine, et pour me récupérer, il ne me resterait qu'à épouser la susdite. Une lâcheté à laquelle je ne me résoudrai jamais. Ou bien dans mon désir de m'assurer la quotité disponible de l'héritage de mon oncle, il me faudrait feindre des sentiments que je n'ai pas. Je me sens aussi incapable de cette lâcheté que de la première. J'ai vécu de ma solde et de quelques bribes de l'avoir paternel. Je continuerai. Mais auparavant, j'aurais pulvérisé Geneviève sous le schnack. J'aurais acheté assez cher ce dernier plaisir. » À quelque temps de là, c'est-à-dire vers la mi-octobre, et comme Villefort couvait sa haine, épiant une occasion favorable pour l'assouvir, son brosseur lui fit une ouverture assez originale. Les 20 francs l'avaient mis en goût. « Mon capitaine, dit-il, un jour que Pierre n'était pas trop houleux, si je ne craignais pas de déplaire à mon capitaine, je lui dirais que, par une circonstance du petit dieu Cupidon, je me trouve avoir des intelligences dans la place. « Quelle place ? » demanda brusquement M. Villefort. « La place assiégée rudement au coin de la rue Trompette. » « La cuisinière, sans doute, » fit vivement l'officier de cavalerie. « Naturellement, » répliqua l'ordonnance. « Et que diable ferais-je de ton intrigue avec une servante ? » ?»« Ce qu'aucun notaire ne dira. Cette fille le sait et me l'a dit. » Pierre songea aussitôt que des papiers de M. de Sermaise avaient pu tomber entre les mains de cette fille. Et ramené par le respect de lui-même au respect de la famille, il répliqua vertement à son brosseur. « Il faut que cette gueuse soit bien osée pour entretenir un soldat de secrets qu'elle vole, et qui ne regarde ni toi ni elle. Elle pourrait se contenter de te faire déguster le vin de la cave, ce dont j'imagine elle ne se fait pas faute. Je mentirais, mon capitaine, si je ne convenais que le vin est bon, mais il paraît que ces personnes ont un autre enfant que mademoiselle de Sermaise, et qu'il serait bien aise de le revoir. Quel rapport y a-t-il entre cela et moi ? Interrompit brutalement Villefort. C'est que, à ce qu'elle m'a dit, c'est un officier. Il serait à Lunéville, et il porte le même nom que vous, mon capitaine. Pierre maudit en cet instant la fantaisie qu'il avait eue de parler à son brosseur de M. de Sermaise, mais il était trop tard pour reprendre ses paroles. Un mien cousin, en effet, un parent éloigné, je ne puis rien faire à tout cela. Là-dessus, Pierre improvisa une commission pour son ordonnance, et il le congédia pour être seul. Alors, pensa-t-il, me voilà la fable de mes subordonnés. Mon histoire, celle de ce coucou d'Alsace, court les cuisines. On fait des allusions devant moi. On ne rit pas devant moi, mais on rit quand j'ai le dos tourné. Il faut que tout cela finisse. Je ferai n'importe quelle rentrée sur la scène, pourvu que ce soit le fouet à la main, et alors garrouler des moqueurs. Le même soir, un commissionnaire qui n'était pas l'ordonnance du capitaine remettait à François un billet de Pierre, dont celui-ci ne reconnut pas l'écriture, pour l'excellente raison que depuis 10 ans, il était devenu presque aveugle. Mais comme il tenait Geneviève en estime particulière, il lui porta le billet à lire. Ce billet contenait ces seuls mots. « Mon bon François, j'ai besoin de te parler. C'est demain mardi, jour de marché. Passe en allant ou en revenant rue Saint-Thomas, numéro 2. PV. » François, à cette lecture, reprit le billet des mains de la demoiselle un peu plus vite que la bienséance ne le comportait. « Cela vous chiffonne, François, de me l'avoir donné à lire. »« Il est vrai, mademoiselle, que mademoiselle daigne m'excuser. » « Parce que c'est un secret à vous ?»« Peut-être bien, en effet. »« Il paraît, ajouta-t-elle, que M. Pierre est ici. »« N'en dites rien, mademoiselle, c'est trop extraordinaire. »« Je ne vous comprends pas, François. »« Il n'y a qu'une chose extraordinaire, c'est qu'il ne soit pas toujours ici. »« Ses parents seraient si heureux. »« C'est à savoir, » murmura François en secouant tristement la tête. Enfin, vous irez, n'est-ce pas? Il le faut bien. Je suis sûr que vous l'avez déjà revu. Que mademoiselle ne me questionne pas, je ne pourrai lui répondre que la vérité, et j'ai promis de ne rien dire. Mais vous ne direz rien, vous non plus, n'est-ce pas? C'est une conspiration, ce que je vois. » Et la jeune fille se mit à fredonner l'air des conspirateurs de la fille de Madame Angot, et elle se retira épanouie, sans s'expliquer davantage.